Alphonse Daudet, Jack. Ce livre de pitié, de colère et d'ironie est dédié à Gustave Flaubert, mon ami et mon maître. Alphonse Daudet. Première partie. 1. La mère et l'enfant. Par un cas, monsieur le supérieur, par un cas. Le nom s'écrit et se prononce à l'anglaise, comme ceci. Jack. Le parrain de l'enfant était anglais, major général dans l'armée des Indes. Lord Pembroke, vous connaissez peut-être? Un homme tout à fait distingué et de la plus haute noblesse. Oh, mais vous savez, monsieur l'abbé, de la plus haute. Et quel valseur! Il est mort du reste d'une façon bien affreuse à Singapour il y a quelques années. Dans une magnifique chasse au tigre qu'un rajah de ses amis avait organisée en son honneur. Ce sont de vrais monarques, il paraît, ces rajahs. Celui-là, surtout, est très renommé là-bas. Comment donc s'appelle-t-il? Attendez donc. Mon Dieu, j'ai son nom au bout de la langue. Rana... Rama... Pardon, madame, interrompit le recteur, souriant malgré lui de cette volubilité de parole et de ce perpétuel sautillement d'une idée à une autre. « Et après Jack, qu'est-ce que nous mettrons ?» Accoudé sur le bureau où tout à l'heure il écrivait, la tête légèrement inclinée, le digne prêtre regardait d'un coin d'œil aiguisé de malice et de pénétration ecclésiastique la jeune femme assise devant lui avec son Jack, par un cas, debout à côté d'elle. C'était une élégante personne, d'une mise irréprochable, bien au goût du jour et de la saison. On était en décembre 1858. Il y avait même, dans le moelleux de ses fourrures, dans la richesse de sa toilette noire et l'originalité discrète de son chapeau, le luxe tranquille de la femme qui possède une voiture, et qui passe de la netteté de ses tapis au coussin de son coupé sans subir la transition banale de la rue. Elle avait la tête très petite, ce qui fait paraître les femmes toujours plus grandes, un joli visage duveté comme un fruit, mobile, souriant, illuminé par deux yeux naïfs et clairs et des dents très blanches montrées à tout propos. Cette mobilité de ses traits semblait extrême, et je ne sais quoi dans cette physionomie plaisante, peut-être la lèvre inférieure légèrement détendue par un perpétuel besoin de parler, peut-être le front étroit sous le brillant des bandeaux, indiquait l'absence de réflexion, un esprit un peu borné, et expliquait les parenthèses ouvertes à tout moment dans la conversation de cette jolie personne, comme ces petits paniers japonais de grandeur calculée qui rentrent tous les uns dans les autres et dont le dernier est toujours vide. Quant à l'enfant, figurez-vous un bambin de 7 à 8 ans, efflanqué, poussé trop vite, habillé à l'anglaise, comme le voulait le cas de son nom de Jack, les jambes à l'air, une toque à chardon d'argent et un plaid. Le costume était peut-être de son âge, mais il semblait en désaccord avec sa longue taille et son cou déjà fort. Ses mollets, musclés et gelés, dépassaient de chaque côté son ajustement grotesque dans un élan maladroit de croissance en révolte. Il en était embarrassé lui-même. Gauche, timide, les yeux baissés, il glissait de temps en temps sur ses jambes nues un regard désespéré, comme s'il eût maudit dans son cœur Lord Pembroke et toute l'armée des Indes qu'il lui fallait d'être affublé ainsi. Physiquement, il ressemblait à sa mère, avec quelque chose de plus fin, de plus distingué, et toute la transformation d'une physionomie de jolie femme à celle d'un homme intelligent. C'était le même regard, plus profond, le même front, mais élargi, la même bouche resserrée par une expression plus sérieuse. Sur le visage de la femme, les idées, les impressions glissaient sans laisser une trace ni une ride, avec tant de hâte, si vite chassées l'une par l'autre, qu'elle semblait toujours garder dans ses yeux l'étonnement de leur fuite. Chez l'enfant, au contraire, On sentait que la pensée était à demeure, et même son air un peu trop réfléchi eût inquiété s'il n'avait pas été joint à une certaine paresse d'attitude, un alanguissement de tout ce petit être, les mouvements câlins et timides du garçon élevé dans les jupes de sa mère. En ce moment, appuyé contre elle, une main glissait dans son manchon, il l'écoutait parler, plein d'une admiration muette, et, de temps en temps, regardait le prêtre et tout ce qui l'entourait, d'un air curieux, comprimé et craintif. Il avait promis de ne pas pleurer. Quelquefois, cependant, un soupir étouffé, comme le reste d'un sanglot, le secouait des pieds à la tête. Alors le regard de la mère se posait sur lui et semblait dire « Tu sais ce que tu m'as promis ?» Aussitôt, l'enfant refoulait son soupir et ses larmes, mais on sentait en lui un grand chagrin, cette cruelle impression d'exil et d'abandon que la première pension cause aux petits qui ont vécu tard près du foyer. Cette investigation de la mère et de l'enfant, que le prêtre avait faite en quelques minutes, aurait pu satisfaire un observateur superficiel. Mais le père O, qui dirigeait depuis plus de 25 ans l'aristocratique institution des jésuites de Vaugirard, était trop au courant du monde, il connaissait trop bien la haute société parisienne et toutes ses nuances de langage et de tenue, pour ne pas avoir deviné dans la mère du nouvel élève qui lui arrivait une cliente d'un genre particulier. L'aplomb avec lequel elle était entrée dans son cabinet, aplomb trop visible pour être vrai, sa façon de s'asseoir en se renversant, ce rire jeune un peu forcé qu'elle avait, et surtout ce flot de paroles débordantes sous lequel on aurait dit qu'elle dissimulait l'embarras d'une pensée cachée, tout mettait le prêtre en méfiance. Malheureusement, à Paris, les mondes sont si mêlés, la communauté des plaisirs, des toilettes, des promenades a fait la ligne de démarcation si mince et si facilement franchie entre les femmes à la mode de la bonne et de la mauvaise société, entre une lorette qui se tient et une marquise qui s'abandonne, que les plus experts, à première vue, peuvent s'y tromper. Et voilà pourquoi le prêtre considérait cette femme avec tant d'attention. Ce qui déconcertait surtout son examen, c'était le décousu de la conversation. Comment avoir le temps de se reconnaître au milieu de ses caprices, de ses volte-face, de ses bonds d'écureuil en cage? Pourtant, son jugement, qu'on essayait peut-être de dérouter, était déjà à moitié fait. L'attitude embarrassée de la mère, quand il lui demanda quel était, avec Jack, l'autre nom de l'enfant, acheva de le fixer. Elle rougit, se troubla, hésita une seconde. « C'est vrai, dit-elle, excusez-moi, je ne me suis pas encore présentée. Où donc ai-je la tête ?» Et tirant de sa poche un mignon porte-carte en ivoire, parfumé comme un sachet, elle y prit une carte sur laquelle s'étalait, en lettres allongées, ce nom souriant et insignifiant, Ida de Barancy. Le recteur eut un singulier sourire. « C'est aussi le nom de l'enfant ? » demanda-t-il. La question était presque impertinente. La dame le comprit, se troubla encore davantage et cacha son embarras sous un air de grande dignité. « Mais certainement, monsieur l'abbé, certainement !»« Ah ! » dit le prêtre d'une voix grave. C'était lui maintenant qui ne savait plus comment exprimer ce qu'il avait à dire. Il roulait la carte entre ses doigts, avec ce petit frémissement des lèvres de l'homme qui comprend la valeur et l'effet des paroles qu'il va prononcer. Tout à coup, il se leva, s'approcha d'une des hautes porte-fenêtres qui donnait de plein pied sur un grand jardin planté de beaux arbres et tout empourpré par un rouge soleil d'hiver, puis frappa un léger coup à la vitre. Une silhouette noire passa devant les fenêtres et un jeune prêtre apparut presque aussitôt dans le cabinet. « Tenez, mon bon Dufieux, dit le supérieur, promenez un peu cet enfant. Montrez-lui notre église, nos serres. Il s'ennuie là, ce pauvre petit homme. » Jack crut que l'on prenait ce prétexte de promenade pour couper court aux adieux pénibles de la séparation, et son regard eut une telle expression de désespoir et d'effroi que le bon prêtre le rassura doucement. « N'aie pas peur, mon petit Jack. Ta mère ne s'en ira pas. Tu vas la retrouver ici. » L'enfant hésitait encore. « Allez, mon cher !» fit Madame de Barancy avec un geste de reine. Aussitôt, il sortit sans un mot, sans une plainte, comme s'il était déjà assoupli par la vie et préparé à toutes les servitudes. Quand il fut dehors, il y eut dans le cabinet un moment de silence. On entendait les pas de l'enfant et de son compagnon s'éloigner en criant sur le sable durci par le froid, le pétillement du feu, des piaillements de moineaux dans les branches, des pianos, des voix, le murmure d'une maison pleine, tout le train, assourdi par l'hiver et les fenêtres closes, d'un grand pensionnat à l'heure de l'étude. « Cet enfant a l'air de bien vous aimer, madame, » dit le recteur, que la grâce et la soumission de Jack avaient touché. « Comment ne m'aimerait-il pas ? » répondit madame de Barancy, peut-être un peu trop mélodramatiquement. « Le pauvre cher n'a que sa mère au monde. »« Ah, vous êtes veuve ? » ?»« Hélas, oui, monsieur le supérieur. Mon mari est mort il y a 10 ans. » L'année même de notre mariage, et dans des circonstances bien douloureuses. Ah, monsieur l'abbé, les romanciers qui vont chercher si loin les aventures de leurs héroïnes ne se doutent pas que la plus simple vie peut quelquefois défrayer 10 romans. Mon existence en est bien la preuve. Voici, monsieur le comte de Barancy appartenait, comme son nom peut vous l'apprendre, à une des plus anciennes familles de Touraine. Elle tombait mal. Justement, le père Haut était né à Amboise et connaissait à fond toute la noblesse de sa province. À l'instant même, le comte de Barancy alla rejoindre dans les doutes et les défiances de son esprit le major général Pembock et le rajah de Singapour. Il n'en laissa pourtant rien paraître et se contenta d'interrompre doucement la soi-disant comtesse. « Ne croyez-vous pas comme moi, madame, demanda-t-il, qu'il y aurait de la cruauté à éloigner si tôt de vous un enfant qui vous semble si attaché? Il est bien jeune encore. Et puis, serait-il assez fort pour supporter la douleur d'une telle séparation? Mais vous vous trompez, monsieur, répondit-elle très naïvement. Jack est un enfant très robuste. Il n'a jamais été malade. Un peu pâle, peut-être. « Mais cela tient à l'air de Paris, auquel il n'est pas habitué. »« Mais vous vous trompez, monsieur, » répondit-elle très naïvement. « Jack est un enfant très robuste. Il n'a jamais été malade. Un peu pâle, peut-être, mais cela tient à l'air de Paris, auquel il n'est pas habitué. » Ennuyée de voir qu'elle ne saisissait pas sa pensée à demi-mot, le prêtre reprit en accentuant la note. « D'ailleurs, pour le moment, nos dortoirs sont pleins. La saison scolaire est déjà très avancée. Nous avons même dû renvoyer des élèves nouveaux à l'année prochaine. Je vous serai fort obligé d'attendre jusqu'à cette époque. Peut-être alors pourrons-nous essayer? Pourtant, je ne réponds de rien. » Elle avait compris. « Ainsi, dit-elle en pâlissant, vous refusez de recevoir mon fils? Refuserez-vous aussi de me dire pourquoi? Madame, répondit le prêtre, j'aurais donné tout au monde pour que cette explication n'eût pas lieu. Mais puisque vous m'y forcez, il faut bien vous apprendre que la maison que je dirige exige des familles qui lui confient leurs enfants des conditions de moralité exceptionnelles. Il ne manque pas à Paris d'institutions laïques où votre petit Jacques trouvera tous les soins qui lui sont nécessaires. Mais chez nous, cela est impossible. Je vous en conjure, ajouta-t-il à un mouvement de protestation indignée. « Ne me faites pas m'expliquer davantage. Je n'ai le droit de rien vous demander, de rien vous reprocher. Je regrette la peine que je vous fais en ce moment, et croyez bien que la rigueur de mon refus m'est aussi pénible qu'à vous. » Pendant que le prêtre parlait, le visage de madame de Barancy avait passé par toutes les expressions de douleur, de dédain, de confusion. D'abord, elle avait essayé de faire bonne contenance, gardant la tête droite et le masque mondain bien attaché. Mais les paroles bienveillantes du recteur, tombant sur cette âme enfantine, la firent se fondre tout à coup en plaintes, en larmes, en aveux, en expansions bruyantes et désolées. Oh oui, allez, elle était malheureuse. On ne savait pas tout ce qu'elle avait souffert déjà pour cet enfant. Eh bien oui, le pauvre cher petit être n'avait pas de nom, pas de père. Mais était-ce une raison pour lui faire un crime de son malheur et le rendre responsable de la faute de ses parents? Ah, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, je vous en prie! Tout en parlant, par un mouvement d'abandon qui aurait pu faire sourire dans une circonstance moins grave, elle avait pris la main du prêtre, une belle main d'évêque, douillette et blanche, que le bon père essayait de dégager doucement, non sans un peu d'embarras. « Calmez-vous, ma chère dame, » disait-il, effrayé de ses effusions, de ses larmes, car elle pleurait comme une enfant qu'elle était, avec des sanglots, des suffocations, le laisser-aller naïf d'une nature un peu vulgaire. Le pauvre homme pensait « Qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu, si cette dame se trouve mal ?» Mais les mots qu'il employait à la calmer l'excitaient encore. Elle voulut se justifier, expliquer des choses, raconter sa vie, et bon gré mal gré, le supérieur fut obligé de la suivre dans un récit obscur, entrecoupé, haletant, interminable, où elle se lança tout éperdue, cassant à chaque pas le fil conducteur, sans se préoccuper de savoir comment elle remonterait à la lumière. Ce nom de Barancy n'était pas le sien. Oh, si elle avait pu dire son nom à elle, on aurait été bien étonné. Mais l'honneur d'une des plus anciennes familles de France, vous entendez bien, une des plus anciennes, était attachée à ce nom-là, et on l'a tuée plutôt que de le lui arracher. Le recteur voulut protester, l'assurer qu'il ne tenait à rien lui arracher du tout, mais il ne parvint même pas à se faire entendre. Elle était lancée, et l'on eût arrêté plus facilement les ailes d'un moulin à vent à toute volée que cette parole qui tourbillonnait dans le vide. Ce qu'elle semblait tenir à prouver, surtout, c'est qu'elle appartenait à la plus haute noblesse, que son infâme séducteur, lui aussi, portait de quelque chose sur je ne sais trop quoi, et que d'ailleurs, elle avait été victime d'une fatalité inouïe. Que fallait-il croire de tout cela? Pas un mot, probablement, car les réticences, les contradictions abondaient dans ce discours incohérent. Il en ressortait pourtant quelque chose de sincère, d'ému, de touchant même, l'amour de cette mère et de cet enfant. Ils avaient toujours vécu ensemble. Elle le faisait travailler à la maison avec des maîtres et ne voulait s'en séparer qu'à cause de cette intelligence qui s'éveillait trop, de ses yeux qui s'ouvraient et contre lesquels on ne saurait prendre trop de précautions. « La meilleure de toutes, dit le prêtre gravement, serait de ne rien garder d'irrégulier dans votre vie, de rendre votre maison digne de l'enfant qui l'habite. » « C'est là ma préoccupation constante, monsieur l'abbé, répondit-elle. À mesure que Jack grandit, je me sens devenir plus sérieuse. D'ailleurs, d'un jour à l'autre, ma situation se trouvera régularisée. Il y a une personne qui depuis longtemps me sollicite. Mais en attendant, j'aurais voulu éloigner l'enfant, l'écarter de ma vie encore troublée, lui faire donner une éducation aristocratique et chrétienne digne du grand nom qu'il devrait porter. J'avais pensé que nulle part il ne serait aussi bien qu'ici pour cela. Mais voilà que vous le repoussez et que du même coup vous découragez la mère de toutes ses bonnes intentions. » Ici, le recteur parut ébranlé. Il hésita une minute, puis la regardant jusqu'au fond des yeux. « Eh bien, soit, madame, puisque vous y tenez absolument, je me rends à votre désir. Le petit Jack m'a beaucoup plu. Je consens à le recevoir parmi nos élèves. » « Oh, monsieur le supérieur !» « Mais à deux conditions. Je suis prête à les accepter toutes !» La première, c'est que, jusqu'au jour où votre position sera régularisée, l'enfant passera ses congés, ses vacances même, dans notre maison, et ne rentrera plus dans la vôtre. mais il en mourra, mon Jacques, de ne plus voir sa mère. Oh, vous pourrez venir l'embrasser aussi souvent que vous voudrez. Seulement, et c'est là notre seconde condition, vous ne le verrez jamais au parloir, mais ici, dans mon cabinet, où j'aurai soin que vous ne soyez pas rencontrés. » Elle se leva toute frémissante. Cette idée qu'elle ne pourrait jamais entrer au parloir se mêler à cette charmante confusion du jeudi où l'on se fait gloire de la beauté de son enfant, de la richesse de sa mise et du coupé qui vous attend à la porte, qu'elle ne pourrait pas dire à ses amis « J'ai salué hier chez les pères Madame de C ou Madame de V, de vraie madame, qu'il lui faudrait venir en cachette, embrasser son Jack à l'écart, tout cela la révoltait à la fin. » Le malin prêtre avait frappé juste. « Vous êtes cruel avec moi, monsieur l'abbé. Vous m'obligez à refuser ce dont je vous remerciais tout à l'heure comme d'une grâce. Mais j'ai ma dignité de mère et de femme à garder. Vos conditions sont inacceptables. Et que penserait mon enfant de... » Elle s'arrêta en voyant là-bas, derrière la vitre, une petite frimousse blonde qui regardait, animée par l'air vif du dehors et par une fièvre d'inquiétude. Sur un signe de sa mère, l'enfant entra bien vite. « Oh, maman, comme tu es gentille! On avait beau me dire non, je croyais que tu étais partie. » Elle lui prit la main brusquement. « Tu partiras avec moi, lui dit-elle. On ne veut pas de nous ici. » Et elle sortit à grands pas, droite, fière, entraînant l'enfant stupéfait de ce départ inattendu qui ressemblait à une fuite. À peine avait-elle répondu par un signe de tête au salut respectueux du bon père qui s'était levé lui aussi. Mais malgré sa précipitation, elle ne s'enfuit pas assez vite pour empêcher son Jack d'entendre une voix douce murmurer derrière lui « Pauvre enfant !» avec un accent, une compassion qui lui alla jusqu'au cœur. On le plaignait ? Pourquoi ? Il y pensa souvent depuis. Le recteur ne s'était pas trompé. Madame la comtesse Ida de Barancy était une comtesse pour rire. Elle ne s'appelait pas de Barancy, peut-être pas même Ida. D'où venait-elle ? Qui était-elle ? Qui avait-il de vrai dans toutes ces histoires de noblesse dont elle était obsédée ? Personne n'aurait pu le dire. Ces existences compliquées ont des fortunes si diverses, tant de dessous, un passé si long et si accidenté qu'on n'en connaît jamais que le dernier aspect. On dirait ces phares tournants qui ont de longues alternatives d'ombre entre les éclats intermittents de leur feu. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'était pas parisienne, qu'elle arrivait d'un chef-lieu quelconque dont elle gardait encore l'accent, ne savait rien de Paris et manquait absolument de genre, au dire de Mademoiselle Constant, sa femme de chambre. « Cocotte de province !» disait celle-ci dédaigneusement. Comme renseignement, c'était un peu vague. Il est vrai qu'au gymnase, un soir, deux négociants lyonnais avaient cru la reconnaître pour une certaine Mélanie Favreau, qui tenait jadis un établissement de gants et parfumerie place des Terreaux. Mais ces messieurs s'étaient trompés et s'excusèrent beaucoup. Un autre jour, un officier du 3e hussard s'avisa de la prendre pour une nommée Nana qu'il avait connue 8 ans auparavant à Orléansville. Celui-là aussi fit les mêmes excuses, ayant fait la même erreur. Il y a vraiment des ressemblances bien impertinentes. Pourtant, Madame de Barancy avait beaucoup voyagé et ne s'en cachait pas. Mais bien sorcier celui qui eut démêlé quelque chose de clair, de positif, dans le flot de paroles qu'elle débitait à tout propos sur son origine ou sur sa vie. Un jour, Ida était née aux colonies, parlait de sa mère, une créole ravissante, de ses plantations, de ses négresses. Une autre fois, elle était tourangelle, avait passé son enfance dans un grand château au bord de la Loire. Et des détails, des anecdotes, un dédain merveilleux de rattacher ensemble toutes ces pièces décousues de son existence. Comme on a pu le voir, dans ces récits fantastiques, la vanité dominait, une vanité de perruche verte et bavarde. La noblesse, la fortune, l'argent, les titres, elle ne sortait pas de là. Riche, certainement, elle l'était, ou du moins très richement entretenue. On venait de lui louer un petit hôtel boulevard Haussmann. Elle avait là chevaux, voitures, de fort beaux meubles d'un goût douteux, 3 ou 4 domestiques et l'existence vide, oisive, promenante de ses pareils, avec peut-être en plus un petit air honteux, un manque d'aplomb que la province, qui se défend mieux que Paris contre les femmes d'un certain monde, lui avait sans doute communiqué. Cela, et aussi sa fraîcheur réelle, souvenir probable d'une enfance au grand air, la mettait à part dans le courant parisien, où d'ailleurs elle n'avait pas encore sa place, étant tout nouvellement arrivée. Tous les 8 jours, un homme entre 2 âges, grisonnant et distingué, venait la voir. En parlant de lui, Ida disait « Monsieur », avec un tel air de majesté qu'on se serait cru à la cour de France, du temps où l'on appelait ainsi le frère du roi. L'enfant disait simplement « Bon ami ». Les domestiques annonçaient bien haut « Monsieur le comte », celui qu'entre eux ils appelaient plus familièrement « Son vieux ». Son vieux devait être très riche, car madame ne regardait à rien, et il y avait un coulage énorme dans la maison que dirigeait mademoiselle Constant, une femme de chambre factotum, seule et véritable influence du logis. C'était cette Constant qui donnait à sa maîtresse des adresses de fournisseurs, qui guidait son inexpérience de la vie parisienne et de la bonne société, car, avant tout, le rêve, le désir de cette déclassée, désir qui lui était venu sans doute avec la fortune, était de passer pour une femme comme il faut, distinguée, noble, irréprochable. Aussi on s'imagine dans quel état l'accueil du père O l'avait mise et si elle sortit de là la rage au cœur. Un élégant coupé de maître l'attendait à la porte de l'institution. Elle s'y précipita avec son enfant, plutôt qu'elle n'y monta, gardant juste assez de force pour dire d'un ton ferme « À l'hôtel !» de façon à être entendue d'un groupe de prêtres qui causaient sur le perron et s'étaient vivement écartés devant ce tourbillon de fourrures et de cheveux bouclés. Par exemple, dès que la voiture fut en route, la malheureuse se renversa dans un coin, non plus avec sa coquette pose de promenade, mais affaissée, en larmes, étouffant ses sanglots et ses cris dans les capitons de soie. Quelle honte ! Dire qu'on avait refusé de prendre son enfant et que, du premier coup, ce prêtre avait découvert sa situation à elle, qu'elle croyait si bien déguisée, sous toutes ses apparences luxueuses et menteuses de femme du monde et de mère irréprochable. Ça se voyait donc ce qu'elle était ? À tout moment, le regard fin du recteur, que sa fierté blessée remettait en face d'elle comme un supplice intolérable, lui faisait monter, rien que de souvenir, des chaleurs, des rougeurs subites. Elle se rappelait son bavardage, tous ses mensonges débités en pure perte, et ce sourire incrédule devant lequel elle n'avait pas su s'arrêter et qui, dès le premier mot, l'avait si complètement deviné. Immobile et muet dans l'autre coin de la voiture, Jack regardait sa mère tristement, sans rien comprendre à son désespoir, sinon qu'elle avait de la peine à cause de lui. Il se sentait vaguement coupable, le cher petit. Mais, au fond de cette tristesse, il y avait aussi la grande joie de n'être pas entré à la pension. Pensez donc, depuis 15 jours, on ne parlait plus que de ce Vaugirard. Sa mère lui avait fait promettre de ne pas pleurer, d'être bien sage. Bon ami l'avait catéchisé. Constant avait acheté le trousseau. Tout était prêt, décidé. Il ne vivait plus qu'en tremblant à l'idée de cette prison où tout le monde le poussait. Et voilà qu'au dernier moment, on lui faisait grâce. Oh, si sa mère n'avait pas eu tant de chagrin, comme il l'aurait remercié! Comme il aurait été heureux de se sentir là, tout près d'elle, tapis dans les fourrures de ce petit coupé où ils avaient fait de si bonnes promenades, où ils allaient pouvoir en faire encore. et Jack se rappelait les après-midi au bois, les longues courses délicieuses à travers ce Paris boueux et transi, si nouveau pour eux, et dont ils étaient aussi curieux l'un que l'autre. Un monument au passage, le moindre incident de la rue, tout les réjouissait. « Regarde, Jack !»« Regarde, maman !» C'était comme deux enfants. On voyait en même temps, à la portière, les grandes boucles blondes du petit et le visage étroitement voilé de la mère. Un cri désespéré de Madame de Barancy arracha brusquement l'enfant à tous ses bons souvenirs. « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? » disait-elle en se tordant les mains. « Qu'est-ce que j'ai fait pour être si malheureuse ?» Cette exclamation resta naturellement sans réponse, car ce qu'elle avait fait, le petit Jack l'ignorait pour le moins autant qu'elle. Alors, ne sachant que lui dire, comment la consoler, timidement il lui prit la main et la serra contre ses lèvres avec ferveur, comme un véritable amoureux. Elle tressaillit, le regarda d'un air égaré. « Ah, cruel, cruel enfant ! Que de mal tu m'as fait depuis que tu es au monde !» Jack pâlit. « Moi, je t'ai fait du mal ?» Il ne connaissait, n'aimait qu'un seul être sur la terre, sa mère. Il la trouvait belle, bonne, incomparable. Et, sans le vouloir, sans le savoir, il lui avait fait du mal. Le pauvre petit, à cette idée, eut une crise de désespoir lui aussi, mais d'un désespoir muet, comme si, après la douleur bruyante dont il venait d'être témoin, il eût ressenti une pudeur à manifester son chagrin. C'étaient des tremblements, des sanglots étouffés, un spasme nerveux. Sa mère eut peur, le prit dans ses bras. « mais non, c'est pour rire !» « Oh, le grand bébé! Est-ce que l'on est sensible comme ça? Voyez-vous ce câlin avec ses longues jambes qui se fait bercer comme un poupon? Non, mon petit Jack, tu ne m'as jamais fait de mal. C'est moi qui suis folle de te mêler à des histoires pareilles. Voyons, ne pleure plus. Est-ce que je pleure, moi ?» Et l'étrange créature, oublieuse de sa douleur passée, riait franchement pour faire rire son Jack. C'était un des privilèges de cette nature mobile, tout en surface, de ne pas garder longtemps une impression quelconque. Chose singulière, les larmes qu'elle venait de verser n'avaient fait que lui donner plus d'éclat encore et de jeunesse, comme une ondée glissant sur le plumage des tourterelles, le lustre et l'éclaircit sans seulement le pénétrer. « Où sommes-nous donc ? » dit-elle tout en abaissant la glace pleine de buée. « Déjà la Madeleine ! Comme nous sommes venus vite ! Tiens, si nous nous arrêtions chez... Chose, tu sais, le fameux pâtissier ! Allons, essuie tes yeux, petit bêta ! Je vais te payer des meringues !» Ils descendirent à la pâtisserie espagnole, très à la mode à ce moment-là. Il y avait foule. Les étoffes, les fourrures se frôlaient, se pressaient avec une hâte d'appétit, et les figures de femmes, le voile relevé à la hauteur des yeux, se reflétaient au miroir de la boutique, entourées d'or et de moulures couleur de crème, parmi toutes sortes de reflets joyeux, le blanc laiteux des soucoupes, le cristal des verres, la variété des confiseries. Madame de Barancy et son enfant furent très regardées. Cela la charma. Ce petit succès, joint à la crise de tout à l'heure, lui fit dévorer une quantité de meringues, de nougat, le tout arrosé d'un doigt de vin d'Espagne. Jack l'imitait, mais avec plus de modération, son gros chagrin de tantôt ayant empli son petit cœur de soupirs comprimés et de larmes non répandues. Quand ils sortirent de là, le temps était si beau, quoique froid, le marché de la Madeleine mettait dans l'air un si doux parfum de violette, qu'Ida voulut revenir à pied et renvoya la voiture. Alertement, mais de ce pas un peu lent, des femmes habituées à se laisser admirer, elle se mit en route, tenant Jack par la main. La marche à l'air vif, la vue des magasins qu'on commençait à éclairer, achevèrent de lui rendre sa belle humeur. Puis, subitement, devant je ne sais quel étalage plus scintillant que les autres, l'idée d'un bal masqué où elle devait aller le soir, bal précédé d'un dîner au cabaret, lui revint à l'esprit. « Miséricorde, et moi qui n'y pensais plus ! Vois, mon petit Jack, comme je suis étourdie ! Vite, vite !» Il lui fallait des fleurs, un bouquet, quelques menus objets oubliés. Et l'enfant, dont cette futilité avait toujours été la vie, qui ressentait presque autant qu'elle-même le charme subtil de ses élégances, la suivait en sautillant, animée par l'idée de cette fête qu'il ne devait pas voir. C'était une de ses joies, la toilette de sa mère, la beauté de sa mère, cette attention admirative qu'elle soulevait sur son passage. « Ravissant ! Ravissant ! Vous m'enverrez cela chez moi, boulevard Haussmann !» Madame de Barancy jetait sa carte, sortait, parlait à Jack avec exubérance de ses achats. Puis elle prenait un air grave. « Surtout, rappelle-toi ce que je t'ai recommandé. Il ne faudra pas dire à bon ami que je suis allée à ce bal. C'est un secret ! Sapristi, déjà 5 heures ? C'est Constant qui va me gronder !» Elle ne se trompait pas. Sa camériste factotum, une grande et forte personne d'une 40aine d'années, aux mains et laide, se précipita à sa rencontre dès qu'elle l'entendit rentrer. Le costume était là. Il n'y avait pas de bon sens de revenir si tard. Madame ne serait pas prête. On ne pourrait jamais l'habiller en si peu de temps. Ne me gronde pas, ma bonne Constant. Si tu savais ce qui m'arrive. Tiens, regarde. Et elle lui montra l'enfant. Le factotum parut indigné. Comment, monsieur Jack, vous êtes revenu? C'est très mal, monsieur, après ce que vous aviez promis. Il vous faudra donc vous y faire conduire par les gendarmes à cette école. Aussi, voilà, votre maman est trop bonne. Mais non, ce n'est pas lui. Ce sont ces prêtres de là-bas qui n'ont pas voulu. Comprends-tu ça? Me faire cet affront? À moi? À moi! Là-dessus, les larmes lui revinrent et elle recommença à demander à Dieu ce qu'elle avait fait pour être si malheureuse. Joignez à cela les meringues, le vin d'Espagne, la chaleur de l'appartement, elle se trouva mal. Il fallut la porter sur son lit, déboucher des flacons de sel, d'éther pour la ranimer. Mademoiselle Constant s'acquittait de tous ses soins en femme qui connaît ces sortes de crises, allait et venait dans la chambre, ouvrait, fermait les armoires avec ce beau sang-froid que donne l'expérience et de l'air de dire « ça passera ». Tout en fonctionnant, elle parlait seule. Quelle idée aussi de mener cet enfant chez les pères, comme si c'était un pensionnat pour lui, dans sa position. Ça ne serait pas arrivé, bien sûr, si on m'avait un peu consulté. C'est moi qui ne serais pas embarrassée pour lui en trouver une pension, et une bonne. » Jack, tout effaré de voir sa mère dans cet état, s'était rapproché du lit et la regardait anxieusement, lui demandant pardon du fond du cœur de ce chagrin dont il était la cause. « Allons, ôtez-vous de là, monsieur Jack. Votre maman est guérie, il faut que je l'habille. » Comment, Constant, tu veux que j'aille à ce bal? J'ai si peu de cœur à m'amuser. Bah, laissez donc, je vous connais. Il n'y paraîtra plus dans 5 minutes. Regardez-moi ce joli costume de folie et ces bas de soie rose et votre petit bonnet à grelots. Elle avait pris le costume, l'étalait, faisait sonner et reluire tout ce clinquant auquel Ida ne résista pas. Pendant qu'on habillait sa mère, Jack s'en alla dans le boudoir, seul, sans lumière. L'ombre emplissait la pièce coquette, ouatée, encombrée, où le prochain réverbère du boulevard jetait une lueur vague. Tristement, le front appuyé à la vitre, il se mit à penser à cette journée d'émotion. Et peu à peu, sans qu'il pût s'expliquer pourquoi, il se sentit devenir le pauvre enfant dont ce prêtre parlait avec tant de commisération. C'est si singulier de s'entendre plaindre alors qu'on se croit heureux. Il y a donc des malheurs tellement bien cachés que ceux qui en sont la cause ou la victime ne les devinent même pas. » La porte s'ouvrit, sa mère était prête. « Entrez, monsieur Jack, et venez voir si c'est beau. » Oh, quelle charmante folie, rose et argent, tout en satin. Quel joli bruissement de paillons elle agitait au moindre mouvement. L'enfant regardait, admirait, et la mère, poudrée, légère, vaporeuse, sa marotte à la main, riait à Jack, se riait à elle-même dans sa psyché, sans s'inquiéter autrement de ce qu'elle avait fait au bon Dieu pour être si malheureuse. Puis Constant lui jeta sur les épaules une chaude sortie de balle et l'accompagna jusqu'à la voiture, pendant que Jack, appuyé à la rampe, regardait descendre sur le tapis de l'escalier, vifs et remuants comme si la danse les agitait déjà, ses deux petits souliers roses brodés d'argent qui entraînaient sa mère loin, bien loin de lui, à des bals où on n'emmène pas les enfants. Au dernier tintement des grelots, il rentra, tout désœuvré, et, pour la première fois de sa vie, inquiet de cet abandon où il se trouvait presque tous les soirs. Quand Madame de Barancy dînait dehors, Jack restait confié à Mademoiselle Constant. « Elle dînera avec toi, » disait la mère. On mettait deux couverts dans la salle à manger, que l'enfant trouvait bien grande ces jours-là. Mais le plus souvent, Constant, qui se divertissait fort peu de ce tête-à-tête avec le gamin, descendait leurs deux couverts à la cuisine et l'on dînait dans le sous-sol en compagnie des autres domestiques. Une vraie bombance. Le gâchis se montrait là dans toute l'abondance de la table tachée de graisse et la gaieté désordonnée des convives. Naturellement, le factotum présidait et ne se gênait pas pour égayer l'assistance des aventures de sa maîtresse, à mots couverts pourtant, et de façon à ne pas effaroucher le petit. Ce soir-là, il y eut, dans le sous-sol, une grande discussion à propos du refus éprouvé à Vaugirard. Augustin, le cocher, déclara que c'était tant mieux, que ces gens-là auraient fait de l'enfant un jésuite, un tartuffe. Mademoiselle Constant protesta contre le mot. Elle ne faisait pas sa religion, c'est vrai, mais elle ne voulait pas qu'on en dît du mal. Alors la discussion tourna, au grand désappointement de Jack, qui écoutait de toutes ses petites oreilles, espérant toujours apprendre pourquoi ce prêtre, qui paraissait si bon, n'avait pas voulu de lui. Pour le moment, il n'était plus question de Jack ni de sa mère, mais des convictions religieuses de chacun. Le cocher Augustin, après boire, en avait d'assez singulière. Son bon Dieu à lui, c'était le soleil, il n'en connaissait pas d'autre. « Je suis comme les éléphants, j'adore le soleil » répétait-il sans cesse avec une obstination d'ivrogne. À la fin, on lui demanda où il avait vu ça, que les éléphants adoraient le soleil. « J'ai vu ça une fois sur une photographie. » dit-il d'un air majestueusement abruti. Sur quoi Mademoiselle Constant le traita d'impie et d'athée, pendant que la cuisinière, une grosse picarde, pleine d'astuces paysannes, leur répétait à tous les deux « Écoutez, vous avez tort, faut pas discuter la croyance !» Et Jack, que faisait-il pendant ce temps-là? Tout au bout de la table, alourdi par l'atmosphère des fourneaux et l'interminable discussion de ces brutes, il s'endormait, le visage appuyé sur son bras et ses boucles blondes répandues sur sa manche de velours. Dans ce trouble qui précède le sommeil assis, fatigant et désagréable, il entendait chuchoter les trois voix des domestiques. Maintenant, il lui semblait qu'on parlait de lui. Mais c'était loin, bien loin, dans le brouillard. « À qui qu'il est-il donc, ce chéri ?» demanda la voix de la cuisinière. « Je n'en sais rien, » répondait Constant, « mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne peut pas rester ici et qu'elle m'a chargé de lui trouver un pensionnat. » Entre deux hoquets, le cocher bégaya. « Attendez, attendez donc ! J'en connais un fameux, moi, de pensionnat, et qui ferait joliment votre affaire !» Ça s'appelle le collège Non, pas le collège, le le gymnase Moronval. Mais quoi que ça, c'est tout de même un collège. Quand j'étais chez les Saïdes, chez mes Égyptiens, c'est là que je conduisais le petit. Même que le marchand de soupe, une espèce de mal blanchi, me donnait toujours des prospectus. Je dois en avoir encore un. Hic ! Il chercha dans son portefeuille, et parmi les paperasses fanées qu'il étala sur la table, il en saisit une plus crasseuse encore que les autres. « Voilà ! » dit-il d'un air de triomphe. Il déplia le prospectus et commença à lire, ou plutôt à épeler péniblement. « Gymnase Moronval dans le... » « Donnez-moi ça, » dit Mademoiselle Constant, et lui prenant le papier des mains, elle lut tout d'une traite. « Gymnase Moronval, 25 avenue Montaigne, dans le plus beau quartier de Paris, institution de famille, grand jardin, nombre d'élèves limité, cours de prononciation française par la méthode Moronval de Coster, rectification d'accents étrangers ou de province, correction des vices de prononciation de tout genre par la position des organes phonétiques. » Mademoiselle Constant s'interrompit pour respirer et dit aux autres. « Mais cela me paraît très convenable. »« Je crains bien, » dit la Picarde qui ouvrait des yeux tout ronds. « Des organes phonétiques, lecture expressive à haute voix, principe d'articulation et de respiration. » La lecture du prospectus continua. Mais Jack s'était endormi et n'entendait plus rien. Il rêvait. Oui, pendant que son avenir s'agitait autour de cette immonde table de cuisine, pendant que sa mère, en folie rose, s'amusait comme une folle on ne sait où, lui rêvait de ce prêtre de là-bas et de cette voix pénétrante et douce qui avait dit « Pauvre enfant !»